Chapitre 23. Madame Humbert. Avant que l'écho de ce claquement eût cessé de se répercuter d'une pièce à l'autre, Lagnard se glissa d'un côté de l'entrée, d'où il pouvait apercevoir l'enfilade des salons, en même temps qu'une partie de la porte principale. Il n'était pas plutôt là, dans l'ombre des portières, que la lumière d'un plafonnier inonda l'antichambre de réception. Elle lui découvrit une unique personne, une femme distinguée, ayant dépassé de beaucoup la trentaine, mais encore de belle prestance, vigoureuse et imposante, en grande toilette de soirée, d'une somptuosité à faire croire qu'elle revenait de quelque bal officiel. Arrêtée sous le lustre, elle remit une clé dans un sac à main de brocart. Cela fait, elle tourna la tête et lança quelques mots indistincts par-dessus son épaule. Aussitôt, arriva en vue une seconde femme, d'à peu près le même âge, mais d'apparence encore plus robuste. Une servante en simple robe noire, évidemment la femme de chambre de madame. Lui tendant le sac de brocart, madame dégrafa le col de son manteau d'hermine et le confia aux soins de la domestique. Les paroles qu'elle prononça ensuite furent perceptibles et rassurantes, en ce qu'elle montrait son ignorance de toute chose anormale. « Cela va bien, Sidonie. Maintenant, vous pouvez aller vous coucher. Madame n'aura pas besoin de moi pour se déshabiller ?»« Je n'y suis pas encore disposée. Quand je le serai, je suis assez grande pour m'occuper de moi-même. D'ailleurs, je préfère que vous alliez vous coucher, Sidonie. Cela n'améliore pas votre caractère de perdre votre bon sommeil. »« Merci bien, madame. Bonne nuit. »« Bonne nuit. » La fille s'en alla vers le grand escalier, tandis que sa maîtresse se dirigeait délibérément à travers les salons vers la bibliothèque. Là-dessus, revenant d'un seul pas auprès de Lucie et lui prenant le poignet pour forcer son attention, Lagnard lui parla en chuchotant rapidement, la bouche à son oreille, mais avec une sollicitude si profonde et si peu égoïste qu'il ignorait tout à fait son charme à elle et son amour à lui. « Par ici, lui dit-il, l'entraînant impérieusement vers la fenêtre par laquelle il était entré. Il y a un balcon dehors, ce n'est pas haut pour sauter à terre. » Et, ouvrant la fenêtre, il l'y poussa. « Essayez de sortir par la grande porte de derrière, celle que je vous ai montrée l'autre fois, en évitant Ekstrom. » « Mais vous allez sûrement venir aussi ? » fit-elle en résistant. « Impossible. Il ne nous reste pas le temps de fuir tous les deux sans être pris. Je retiendrai la dame à causer assez longtemps pour que vous vous éloigniez. Mais prenez ceci. » Et il lui mit dans la main son revolver. « Vous pouvez en avoir besoin. N'ayez pas peur pour moi. Mais allez, oh, ma bien-aimée, allez !» Les pas de Madame Humbert résonnaient terriblement proches, et sans laisser à la jeune fille le loisir de protester davantage, Lagnard referma la fenêtre, tourna la crémone et fila comme un chat, se postait par-delà le pupitre, à quelques pas du paravent et du coffre. La lampe de lecture brûlait encore, là où la jeune fille l'avait laissée derrière le paravent rouge, et Lagnard comprit que ses rayons diffus étaient suffisants pour rendre bientôt visible sa personne à quelqu'un entrant par la porte. Désormais, tout dépendait de l'humeur de la maîtresse de maison. Prendrait-elle cette apparition tranquillement, induite par les simagrées de Lagnard, à croire qu'elle n'avait affaire à lui qu'à un pauvre imbécile de voleur, ou bien l'accueillerait-elle par un éclat d'hystérie bourgeoise? Dans ce dernier cas, la main de Lagnard serait vite plantée, la paume en bas, sur le dessus du pupitre. Si cette femme tentait de donner l'alarme, d'un seul bond, l'aventurier sauterait par-dessus le meuble et fuirait à toutes jambes vers la porte d'entrée. La maîtresse de maison apparut sur le seuil et fit halte, ses yeux vifs examinant tour à tour la table sur le plancher et la silhouette sombre du voleur. Puis, d'une enjambée, elle alla à un commutateur et le tourna, faisant jaillir du lustre un flot de lumière. Quand cela se produisit, Lagnard se ratatina sur lui-même, levant le coude comme pour se protéger le visage, comme s'il s'attendait à se trouver sous le canon d'un revolver. Ce geste eut l'effet attendu, de concentrer uniquement sur lui l'attention de la dame, après que d'un rapide regard circulaire, celle-ci se fût vue seule dans la pièce avec un voleur craintif. Et immédiatement, il devint manifeste que, leurrée ou non, elle allait prendre la situation avec calme, mais aussi avec vigueur. Elle entreferma les paupières, et les muscles de sa mâchoire forte et quasi masculine se durcirent de façon menaçante, tandis qu'elle toisait l'intrus de haut en bas. Elle s'avança de trois pas vers lui, s'arrêtant de l'autre côté du pupitre, le dos à la porte. Lagnard tremblait visiblement. « Eh bien !» Et ces mots retentirent comme le premier coup de canon d'un engagement. « Eh bien, mon garçon !» Ses yeux aigus allèrent à la porte fermée du coffre et revinrent aussitôt sur lui. « Vous ne semblez pas avoir fait grande besogne. »« Pour l'amour de Dieu, madame !» bégaya Lagnard d'une voix rauque et entrecoupée, qui n'avait rien de commun avec la sienne habituelle. « Ne me faites pas arrêter. Grâce ! Je n'ai rien pris. N'appelez pas les flics !» Il s'arrêta, portant à sa gorge une main mal assurée, comme s'il avait la langue desséchée. « Allons, allons !» répliqua la dame avec un regard presque de pitié. « Je n'en ai pas encore appelé un seul, jusqu'ici. » Les doigts de sa forte main blanche tambourinaient en sourdine sur le dessus du pupitre, puis, d'un geste vif et précis que Lagnard lui eût envié, ils se glissèrent jusqu'à la poignée d'un tiroir, l'ouvrirent d'un coup, se refermèrent sur la crosse d'un pistolet et présentèrent celui-ci à la tête de l'aventurier. Spontanément, il leva les deux mains. « Ne tirez pas ! » s'écria-t-il. « Je ne suis pas armé. » « Est-ce la vérité ?»« Vous n'avez qu'à me fouiller, madame. »« Merci !» Le ton de la dame décelait à présent une trace d'ironie. « Je me rapporte à vous pour cela. Videz vos poches, là, sur le pupitre, et rappelez-vous, pas de bêtises !» L'arme visait Lagnard continuellement, ne lui laissant pas d'autre choix que d'obéir. En attendant, il fut heureux de cette occasion de prêter l'oreille à tous les bruits susceptibles de lui révéler que la jeune fille effectuait son évasion, et pour justifier la lenteur avec laquelle il obéissait, il simula d'avoir les doigts tremblants. Mais il n'entendit rien. Quand il eut dûment retourné toutes ses poches à fond et disposé leur contenu sur le pupitre, la dame inspecta avec curiosité ce déballage. « Remettez ça en place, » fit-elle sèchement, « et allez chercher cette chaise là-bas, celle dans le coin. » « J'ai idée que j'aimerais causer un peu avec vous. C'est ainsi que cela se passe toujours, n'est-ce pas ?»« Comment ?» interrogea Lagnard, avec un regard hébété. Dans tous les romans policiers que j'ai lus, la respectable propriétaire ne manque jamais de s'asseoir et de faire un bout de causette avec le cambrioleur, avant d'appeler la police. Je crains que cela ne fasse partie de la rançon que vous aurez à payer pour mon hospitalité. » Elle s'arrêta, surveillant Lagnard avec attention, tandis qu'il remettait ses objets dans ses poches. « Maintenant, prenez cette chaise, » ordonna-t-elle, et elle attendit, debout, qu'il lui eût obéi. « C'est cela, là, asseyez-vous. » Appuyée contre le pupitre, tenant négligemment son revolver, elle put examiner Lagnard plus à loisir. La dureté dans son regard s'atténua, et la colère, qui au début assombrissait ses traits, avait disparu au moment où elle consentit à poursuivre son questionnaire. « Comment vous appelez-vous ? » Non. Ne répondez pas. J'ai vu vos yeux vaciller, et les pseudonymes improvisés ne m'intéressent pas. Mais c'est la question fondamentale, vous savez. Voulez-vous un cigare ? Non, merci. C'est juste. D'après Hoyle, le criminel refuse toujours de fumer durant ces scènes-là. Mais oublions les textes et soyons originaux. Je vais vous poser une question inédite. Pourquoi, il y a un instant, jouiez-vous la comédie ? La comédie ? Reprit Lagnard, stupéfait par l'acuité d'esprit de cette maîtresse-femme. Je précise, un faisant semblant d'être un voleur ordinaire. Un moment, vous m'avez fait croire pour tout de bon que vous aviez peur de moi. Mais ni l'un ni l'autre n'est vrai. Comment je le sais ? Parce que vous n'êtes pas armé, que votre voix est devenue dans les deux dernières minutes celle d'un homme cultivé, que vous avez cessé de vous recroqueviller et vous êtes mis à réfléchir, et que la façon dont vous êtes allé prendre cette chaise « montre quelle est votre force. Si je n'avais pas ce revolver, vous pourriez me maîtriser en un instant. Et je ne suis pas une femmelette. Ainsi donc, pourquoi cette comédie ?» Se voyant découvert, Lagnard eut un pâle sourire et haussa les épaules, mais ne répondit pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de gagner du temps. Plus longtemps il amuserait la dame, plus Lucie aurait de chances de mener son évasion à bonne fin. En ce moment, calcula-t-il, elle devait être arrivée sur la rue par la porte de service. Mais il était sur des épines et ne cessait d'appréhender un malheur. « Voyons, voyons, » reprit Madame Humbert. « Vous n'êtes guère poli, mon garçon. Répondez à ma question. Vous ne voudriez tout de même pas... Dites... Pourquoi non ? Vous devez au moins satisfaire ma curiosité en compensation d'avoir pénétré chez moi. Mais si, comme vous le dites, je joue ou j'ai joué la comédie à dessein, comment pouvez-vous attendre que je vende la mèche ? Voilà qui est logique. Je savais que vous étiez capable de réfléchir. C'est d'autant plus triste. Il est triste que je sois capable de réfléchir. Triste que vous puissiez vous résoudre à vous gaspiller comme ceci. Je suis une vieille femme, et je connais passablement les hommes. Je vois en vous de la capacité. C'est pourquoi je dis qu'il est triste que vous ne vous employiez pas mieux. Ne vous y méprenez pas. Ceci n'est pas le rôle conventionnel. Je ne tiens pas à encourager un fou dans sa folie. Vous êtes un fou, malgré toute votre intelligence, et la seule cure que je vois pour vous est un châtiment. Vous voulez dire la santé, madame ? Exactement. Je vous le déclare tout net. Quand j'aurai fini de vous chapitrer, vous irez en prison. Puisqu'il en est ainsi, je ne vois pas que j'ai beaucoup à gagner en vous racontant l'histoire de ma vie. Vous n'avez plus, ce me semble, qu'à sonner vos domestiques et à faire chercher la police. Une lueur de colère brilla dans les yeux de la dame. « Vous avez raison, » dit-elle sèchement. « Si Denis n'est pas encore couché, je vais l'appeler au téléphone tout en gardant un œil sur vous. » Se penchant sur le pupitre, sans perdre du regard l'aventurier, la geôlière tâtonna et atteignit un bouton d'appel qu'elle pressa. Dans les profondeurs de la maison, retentit le grelot d'une sonnerie électrique. « Il est malheureux que vous soyez si intraitable, » fit-elle. « Un peu moins de morgue, et vous seriez quelqu'un de plus agréable. » Lagnard ne répondit pas. D'ailleurs, il n'écoutait pas. Sous le poids de cette attente, la volonté de faire qui avait toujours été la sienne semblait prête à céder, car maintenant, ce n'était plus pour une autre qu'il s'inquiétait, et il ne gaspilla pas ses forces à essayer de la restaurer. Son angoisse devenait visible, et Madame Humbert ne s'y trompa point. « Que se passe-t-il donc ? Est-ce que vous entendez déjà la porte du cachot se refermer sur vous ?» Elle parlait encore que Lagnard, dans un geste où il mit toute son âme, s'élança de sa chaise, d'un bond de fauve subtil et sûr, qui lui fit franchir comme un boulet les 2 mètres environ qui le séparaient d'elle. La plus minime erreur de calcul eût été sa perte, car l'autre attendait précisément un pareil geste, et le revolver était presque au niveau de la tête de Lagnard quand il l'empoigna par le canon, le dirigea vers le plafond, et en 2 temps s'empara de l'arme sans blesser sa propriétaire. « N'ayez pas peur, » dit-il calmement. « Je ne vous ferai pas d'autre violence que de mettre cette arme hors de service. » La déclenchant d'un coup, il fit tomber sur le parquet une averse de cartouches, et il jeta l'arme désormais inutile dans une corbeille à papier sous le pupitre. « J'espère que je ne vous ai pas fait de mal, » ajouta-t-il distraitement, « mais votre revolver me gênait. » Il fit un pas vers la porte, s'arrêta et resta indécis, examinant d'un air absent la dame, laquelle, sans bouger, riait paisiblement et le considérait avec un air de malice amusée. Il lui répondit par un regard admiratif. Dès le début, il avait reconnu en elle quelqu'un d'une intelligence et d'une amabilité rares. « Pardon, madame, mais... » commença-t-il tout à coup. Et il s'arrêta avec contrainte en s'apercevant de son sans-gêne. « Si c'est pour m'autoriser à interrompre votre rêverie, » fit madame Humbert, « je ne vous cacherai pas que vous êtes le plus singulier bandit dont j'ai jamais entendu parler. » Un bruit de pas se fit entendre dans l'escalier, le traînassement hâtif de pieds chaussés de pantoufles. « C'est vous, Sidonie ? » cria madame. La voix de la servante répondit. « Oui, madame, je viens. » « Non, ne venez pas encore. Attendez que je vous appelle. » « Très bien, madame. » Madame Humbert rendit à Lagnard toute son attention. « Maintenant, monsieur pas bien décidé, qu'est-ce que vous désirez me dire ?»« Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda l'aventurier en montrant le vestibule d'un signe de tête. « De dire à Sidonie d'attendre au lieu d'appeler à l'aide ?»« Parce que, eh bien, parce que vous m'intéressez singulièrement. J'ai conçu l'idée que vous êtes dans un embarras désespéré et que vous voici tout prêt à vous livrer à ma merci. » « Vous avez raison, » avoua Lagnard de bonne grâce. « Ah, maintenant, vous commencez à devenir intéressant. Voudriez-vous m'expliquer pourquoi vous croyez que je vous serai indulgente ?»« Parce que, madame, je vous ai rendu un grand service et que je sens que je puis compter sur votre gratitude. » La Française haussa les sourcils. « Monsieur sait apparemment de quoi il parle ?»« Écoutez, madame, je suis amoureux d'une jeune fille, une Américaine, étrangère et sans amis dans Paris. S'il m'arrive quelque chose de cette nuit, si je suis arrêtée ou assassinée, est-ce vraisemblable ?»« Tout à fait vraisemblable, madame. J'ai des ennemis chez les Apaches, aussi bien que dans ma profession même, et j'ai lieu de croire que cette nuit, plusieurs d'entre eux sont dans le voisinage. je ne puis pas échapper à leur attention. Dans ce cas, la jeune fille dont je parle aura besoin d'une protectrice. » « Et pourquoi devrais-je m'intéresser à son sort, je vous prie ?»« À cause, madame, de ce service que je vous ai rendu. Récemment, à Londres, vous avez été volée. » La dame tressaillit et rougit d'impatience. « Vous savez quelque chose de mes bijoux ?»« Je sais tout, madame, c'est moi qui les ai volés. » « Vous ? Vous êtes donc le loup solitaire ?»« Je l'étais, madame. » « Pourquoi employez-vous le passé ? » demanda-t-elle avec un regard sévère. « Parce que j'en ai fini de voler. » Elle rejeta la tête en arrière et éclata de rire, mais sans gaieté. « Voilà un conte bien invraisemblable, monsieur. Vous êtes-vous converti depuis que je vous ai trouvé ici ? » ?»« Peu importe quand. Je parie que cette preuve visible et tangible de ma sincérité serait plus utile pour vous convaincre qu'une date sans importance. » « Il n'y a aucun doute là-dessus, monsieur le loup solitaire. Pouvez-vous me demander une meilleure preuve que la restitution de vos bijoux volés ? Est-ce que par hasard, vous voudriez m'induire à vous laisser aller en m'offrant de me rendre mes bijoux ? Je crains qu'une conversion forcée serait incapable de vous convaincre. Vous avez bien raison de le craindre, monsieur. Mais si je vous prouve que j'ai déjà restitué les bijoux ? C'est ce que vous n'avez pas fait. Si madame veut me faire la grâce d'ouvrir son coffre, elle les y trouvera, bien en vue. Quelle bêtise ! Ai-je tort de supposer que madame n'est rentrée d'Angleterre que tout récemment ? Mais aujourd'hui, en effet. Et vous ne vous êtes pas donné la peine d'examiner votre coffre depuis votre retour ? Je n'en ai pas vu la nécessité. Alors, pourquoi ne pas vérifier ce que je vous dis avant de le nier ? Avec un haussement d'épaules incrédule, madame Humbert cessa de scruter la physionomie de Lagnard et se dirigea vers le coffre. « Mais pour avoir fait ce que vous dites, reprit-elle, il a fallu que vous connaissiez le mot de la combinaison, puisqu'il paraît que vous ne l'avez pas forcé. » Le mot échappa couramment des lèvres de Lagnard. Et, là-dessus, avec tous les signes de l'émotion, commençant enfin à espérer, sinon à croire, la dame se mit en devoir d'ouvrir le coffre. En une minute, elle y eut réussi. L'écrin de maroquin était dans sa main, et un examen hâtif lui apprenait que son trésor était intact. « Mais pourquoi ? » balbutia-t-elle, pâle d'émotion. « Pourquoi, monsieur ? Pourquoi donc ?»« Parce que j'avais décidé de renoncer au vol pour gagner ma vie. Quand avez-vous rapporté ces bijoux ici ?»« Dans le courant de la semaine, il y a 4 ou 5 jours. »« Et après ? Vous l'avez regretté, hein ?»« Je l'avoue. Et vous êtes revenu ici cette nuit pour voler une seconde fois ce que vous aviez volé une première ?»« C'est encore vrai. » « Et je vous ai interrompu ?»« Pardon, madame, pas vous, mais ma conscience. Je suis venue pour voler, et je n'ai pas pu. »« Monsieur, vous ne me persuaderez pas. Je n'arrive pas à discerner vos motifs, mais... » Un bruit soudain de gros souliers piétinant dans l'antichambre et accompagné d'éclats de voix surexcités l'interrompit et fit faire volte-face à Lagnard. Par-dessus la dispute violente, dont ni l'un ni l'autre n'avait perçu le moindre prodrome, tant leur discussion les avait absorbés, la voix de Sidonie se fit entendre en un cri de protestation. « Madame, madame !»« Que se passe-t-il ? » demanda madame Humbert à Lagnard. Il lui jeta ces mots. « La police !» et, se détournant, alla se jeter dans l'enfoncement de la fenêtre. Mais, quand il l'ouvrit, la voix d'une sentinelle sur la pelouse le salua d'une vive injonction. Et comme involontairement il s'avançait sur le balcon, un éclair de feu déchira l'ombre au-dessous de lui, une détonation retentit dans le calme du parc, et une balle vint s'aplatir en sifflant sur l'encadrement de pierre de la fenêtre.